L'heure est avancée, bien aimé. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Refaisons notre vraie nature d'enfant de Dieu, tel que nous dit la Bible, parole de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Et il affirme, vous êtes des dieux. Car vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais voilà, vous mourrez comme des âmes. Et vous tomberez comme des princes quelconques. C'est pas normal, yo.